Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire de Gilbert Tin, un chanteur punk devenu braqueur qui a passé la moitié de sa vie en cavale. Le 26 avril 1988, une équipe composée de punks, d'anarchistes et de toxicomanes dévalise les coffres de la Brinks à Toulouse. Sans un coup de feu tiré, les braqueurs s'enfuient avec un butin approchant les 12 millions de francs. Poursuivis par la police ou emportés par le sida, tous les auteurs principaux du casse de la Brinks meurent dans les années qui suivent les autres. Finissent en prison. Tous, sauf Gilbert Tin, qui commence une nouvelle vie en Espagne et au Portugal. Il y restera 28 ans jusqu'au jour où il se rendra à la justice française. Son histoire est celle d'un rescapé, quelqu'un qui n'a cessé de jouer sa vie à la roulette russe. Il stoppe l'héroïne pour se lancer dans les braquages, il échappe aux flics, mais le sida vient le frapper. Réchappé de tout, il joue une dernière fois son destin en le confiant à une cour d'assises. Dans ce récit, vous entendrez également plusieurs archives extraites du documentaire radiophonique de Stéphane Bonnefoy intitulé « Gilbert Tin, une vie en sursis » diffusé dans l'émission « Une histoire particulière » sur France Culture. Et notre invité aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est le personnage central de ce récit, Gilbert Tin lui-même, en duplex de Toulouse. Il a écrit son autobiographie et l'a intitulé « 30 ans de cavale, ma vie de punk ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Novembre 2016, Puigcerdà, petite ville catalane à la frontière franco-espagnole. Le thermomètre affiche zéro, le vent est glacial. Une grande et fine silhouette s'apprête à entrer clandestinement en France. Dans son sac à dos, il n'a que le strict nécessaire, sous-vêtements, serviettes, pulls, quelques livres. L'homme est anxieux, va-t-il réussir à passer la frontière ? Depuis les attentats de novembre 2015, la France ne dort que d'un œil. Elle a renforcé les contrôles à ses frontières. La silhouette s'engage sur la route en direction de la France. À quelques centaines de mètres, l'homme aperçoit une voiture. C'est la police, la Guardia Civil. Le véhicule s'approche. L'homme dépose son sac à dos au sol, sort une bouteille d'eau et boit quelques gorgées, histoire de se donner une contenance. Mais un frisson lui traverse l'échine. Arrivé à sa hauteur, les policiers ralentissent. L'un des agents lève la main et salue gentiment celui qui a l'air d'un randonneur. Alors l'homme répond, sourire de circonstance. La voiture file, il peut souffler. Cela fait 28 ans qu'il est recherché par la police. Ce fuyard, c'est Gilbert Tin. Avec ses boucles blondes et ses larges lunettes, il pourrait passer pour un touriste. Allemand, tiens. Enfin, pas vraiment le physique d'un dangereux criminel, non. Non, le problème, c'est la valise qu'il porte, lourde comme un cheval mort, son passé de braqueur. Au point d'en avoir développé une véritable paranoïa, Gilles voit des policiers partout, surtout dans son dos. Tension permanente, intenable, supplice d'une vie de cavale si bien montrée au cinéma. Pour notre homme, c'est le réel, et ça devenir fou. Alors, c'est décidé, il va se rendre à la justice. Traverser les Pyrénées clandestinement, rallier Toulouse, se rendre aux autorités. Il a tout prévu. Il a même contacté un couple d'avocats, Christian et Marie-Christine Etelin. Dans l'émission Une histoire particulière, diffusée sur France Culture, l'avocate raconte le jour où Bertha l'a contacté, elle et son mari. Quelqu'un qui veut se constituer prisonnier après 30 ans de cavale et qui, à qui on reproche des faits d'une gravité certaine, comme un hold-up, un vol qualifié, c'était bien la première fois. Nous lui avons demandé, enfin, je sais que mon mari lui a demandé de bien réfléchir. Et il m'avait même dit il faudrait lui conseiller d'aller voir un psychologue, parce que c'est quand même étonnant. consulter un psychologue. Oui, parce que les avocats n'en reviennent pas. Après 28 ans de cavale, à quelques années de la prescription, Gilbertin est déterminé à affronter la justice pour solder ses comptes. Arrivé à Toulouse, il retrouve Christian Etlin dans un bar de la place des Carmes. L'avocat déborde d'interrogations. Mal à l'aise au début, Gilbertin consent tout de même à lui raconter son histoire et les motivations qui l'ont poussé à se rendre. Au bout d'un moment, voyant l'heure, l'avocat explique à Gilles qu'il est trop tard pour aller voir le procureur. Et puis nous verrons ça lundi, hein ? Allez, achetons du pain, une bonne bouteille de vin et allons dîner. Et puis ce soir, vous dormez à la maison, lui dit l'avocat. Pourtant, Gilles avait préparé ses affaires comme s'il allait être incarcéré le jour même. Alors il envoie un message à sa compagne, restée à Barcelone. « Tout s'est bien passé. Ce soir, je ne dormirai pas en prison. » Après avoir passé un week-end somme toute agréable avec le couple d'avocats, rendez-vous est pris avec le procureur. Ce dernier exige que Gilbertin passe par une garde à vue avant de lui être présenté. Au commissariat central, Christian Etlin expose la situation aux policiers qui ont un peu de mal à comprendre la démarche. Il est vrai qu'elle n'est pas banale. Alors l'un d'eux questionne Gilles. Mais enfin, pourquoi n'êtes-vous pas resté chez vous? Vous n'étiez pas bien en Espagne? C'est un peu plus compliqué que cela, vous savez. Oui, je comprends bien, mais nous n'avons pas que ça à faire, voyez-vous. Après sa garde à vue, Gilbertin est présenté au procureur qui lui confirme qu'il va demander son incarcération. Mais la juge des libertés et de la détention en décide autrement. Elle le laisse en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Le destin de Gilbertin est donc suspendu à la décision d'une cour d'assises qui se réunira dans plusieurs mois. Devant les jurés, il leur racontera sa vie de punk avant le braquage et celle d'après pendant 3 décennies de cavale. Eh bien, c'est cette histoire que nous allons partager. T'es là à te branler, le temps passe en bain, à t'imbiber de noirs dessins. T'es là à poireauter dans ces journées sans fin, à digérer là ton destin. Car aujourd'hui comme demain, toujours le même refrain, la réalité. Même refrain, même couplet, toujours là à te faire chier, etc., etc., etc. Cette voix, c'est celle de Gilbertin. Les paroles sont aussi les siennes. Toujours là à te faire chier. Dans cette chanson intitulée « Réalité », Bertin chante avec son groupe. Caméra silence, le quotidien d'une jeunesse désœuvrée, la sienne. Nous sommes au début des années 80. Gilles quitte le domicile familial et son ambiance plombante. Sa mère est atteinte d'un cancer, son père se plie en quatre pour la soigner. Les sourires sont rares, d'autant que sa grande sœur est partie faire ses études à Paris. CAP de tourneur fraiseur en poche, il décroche un boulot et se trouve une piôle. Ouf, ça ne dure qu'un temps. Non, Gilles préfère rejoindre une bande de jeunes qui squattent place Gambetta à Bordeaux. Ils portent des t-shirts déchirés, ils sont tatoués et ils volent à l'étalage. Question des fonds, ils prennent tout ce qu'ils trouvent, shit, coupe fin et colle à rustine, on fait avec ce qu'on a. Gilles quitte son boulot et sa chambre pour s'installer chez son ami Benoît Destriot, avec qui il formera le groupe punk Caméra Silence. Dans cet appartement composé d'une seule pièce, ils sont 5 à s'entasser sur des matelas. Le troisième membre du groupe, c'est le dénommé Louchenet, un jeune homme discret dans la vie, mais déchaîné derrière sa batterie. On trouve aussi Grand Claude, un ex-parachutiste en cavale pour désertion. Et enfin, Philippe, alias Punky ou la Sardine, pour sa capacité à toujours passer entre les mailles du filet. Voilà pour le casting. Et c'est la nouvelle famille de Gilbertin. Et quand il débarque à l'appartement, il lance fièrement en déposant un étui sur un lit. Voilà la bête. Vous êtes prêts ? Attention les yeux. Il ouvre l'étui et en sort une guitare basse, une Guild B301 qu'il s'est procurée à crédit dans un magasin bordelais. Voilà donc le trio formé. Benoît à la guitare et au chant, le Schnee à la batterie et Gilles à la basse et au chant également. Accessoirement, il va falloir trouver un local pour les répétitions. Mais c'est tout, rien de plus. Et c'est bien là la force du genre punk, comme l'explique un reportage d'Antenne 2 de 1977. Le mouvement est né à coup de guitare. La pop musique était devenue trop sophistiquée, trop électronique, trop synthétisée et finalement inaccessible à l'esprit comme au portefeuille. Le punk rock, c'est le retour à la simplicité. Une musique brutale, violente, qui heurte. Il y a des micros dans la batterie et la sono est au maximum. Faire du bruit ne demande ni argent ni talent. C'est la raison du succès. Ni argent, ni talent, c'est drôle, et c'est tout l'esprit du punk. Né aux États-Unis et en Angleterre au milieu des années 70, avec des groupes comme The Ramones ou The Sex Pistols, le mouvement punk s'est frayé un chemin en France. Gilbertin et son groupe prennent la deuxième vague du punk, celle du début des années 80. Après plusieurs galères, les trois musiciens finissent par s'installer dans un local insonorisé, c'est un couple d'amis. Bien, il ne reste plus qu'à trouver le nom du groupe. Complètement fauché, Gilles et ses amis volent des livres dans une librairie bordelaise. Dans le butin, on retrouve les œuvres de Pierre Kropotkin et quelques résumés des ouvrages de Bakounine, Malatesta et Proudhon. Bref, tout le gratin de la pensée anarchiste. Un croisement entre ni dieu ni maître et ni argent ni talent, pas forcément incohérent. On trouve aussi les textes des prisonniers de la fraction Armée Rouge et les dernières lettres d'Ulrike Meinhof. C'est dans ces écrits que le groupe trouve son nom de baptême, Caméra Silence, une référence aux conditions de détention des membres de l'organisation terroriste allemande d'extrême gauche. Gilles et Benoît expliquent ce choix en 1983 devant les caméras des Enfants du Rock. Pourquoi ce nom de groupe énigmatique en latin ? Ça veut dire quoi ? En latin ? Ça ne veut rien dire, je pense. En latin, on ne sait pas ce que ça veut dire, on sait ce que ça représente. C'est en Allemagne. C'est un mot inventé par la CIA, par les Américains. Ouais, ouais. Et on sait ce que ça représente. Ça veut dire cellule de privation sensorielle. Exactement. Voilà. C'est... système de privation sensorielle. C'est la torture propre, la torture des pays occidentaux. Raffiné. C'est quelque chose que vous dénoncez ? Ouais, bien sûr, comme toutes les tortures. Trois jeunes punks sont fascinés par tous les groupes armés qui agissent en Europe. Fraction Armée Rouge donc, mais aussi Brigade Rouge en Italie et ETA Basque qui opère à quelques kilomètres de chez eux. Mais côté musique, c'est en Angleterre qu'ils vont chercher l'inspiration. Normal, c'est la patrie du rock. Le 20 décembre 1981, ils se rendent à Leeds, dans le nord du pays, pour assister au Christmas on Earth Festival. Ce grand rassemblement punk est suivi par un public genre Doc Martens, crête collée à la bière et blouson clouté. Côté scène, c'est un vrai marathon. 14 groupes se succèdent. On retrouve notamment The Exploited, Shame 69, Yuka Subs, bref, toute la crème du street punk anglais, de quoi donner des idées à nos trois bordelais. Près d'un an plus tard, en octobre 82, ce sont eux, les Caméras Silence, qui sont sur scène à enflammer le public. Ils participent à la finale d'un tremplin organisé par France 3 Aquitaine et Rockoton. Au départ, Gilles et ses potes n'étaient pas emballés pour s'inscrire à un concours musical. Ils trouvaient même l'idée franchement ragarde. Un tremplin ? Avec des groupes de baloches ? Autant s'inscrire à un concours de pétanque pendant qu'on y est. Finalement, ils sont qualifiés pour la finale. Dans la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux, ce soir-là, Caméra Silence est confronté à trois autres groupes, les Mistons, les Ex-Flingos et une formation qui deviendra l'un des plus grands groupes de rock français, Noir Désir. L'entrée sur scène approchant, les trois punks n'en mènent pas large. Ils se sifflent quelques bières pour se détendre. Et puis l'ordre de passage a été tiré au sort, et bien ils passent en troisième position avant Noir Désir. Alors, Gilles lance aux autres, et on arrête la bibine, hein, ou on n'ira pas au bout. Ça y est, les voilà sur scène, et ils se lâchent, et donnent tout. C'est l'aboutissement de nombreuses heures de répétition. Tous leurs amis assurent le spectacle devant la scène, en pogotant frénétiquement. Le reste du public réagit plutôt bien. Caméra Silence décroche la deuxième place derrière. Devinez qui ? Bah oui, forcément, Noir Désir. Mais le groupe de Bertrand Cantat, qui vit sa première séparation, cède le prix à Caméra Silence. 8 jours d'enregistrement dans le studio du manoir, le rêve. En cette fin d'année 82, les trois punks bordelais peuvent être optimistes. Le No Future a de l'avenir, finalement. Pourtant, Gilles s'est lancé parallèlement dans un autre chemin. La drogue, la délinquance. Et là, ce n'est plus shit et vol dans les librairies, mais de l'héroïne et du deal. Pas tout à fait la même histoire. Ce parcours, c'est le même pour de nombreux jeunes Français en ce début d'année 80. Les équipes des mercredis d'information interrogent un jeune héroïnomane en 1981. Commencer comme tout le monde, tu commences par le shit. Et puis bon bah tu pousses 2-3 ans et puis ça fait 6 ans vraiment que je touche à la cam. Vraiment touché à la cam, shooter. Et depuis 3-4 ans, c'est intensif. Qu'est-ce que t'appelles intensif ? C'est-à-dire c'est tous les jours. Tous les jours, il la faut. Il faut se l'approcher par n'importe quel moyen. On peut attaquer un dealer, n'importe quoi. Apprendre, voler, avoir de l'argent en cassant des portes, n'importe quoi. Tout est bon. Tout est bon du moment que tu arrives à avoir quelque chose dans les veines. Cette descente aux enfers, la cam, c'est exactement celle que Gilles et Didier, l'un de ses amis avec qui il deal. Dès le matin, c'est une cuillère à soupe d'héroïne. Conscient que leur état se dégrade de jour en jour, ils prennent une décision. Il faut décrocher, coûte que coûte. Une de leurs amies a une petite baraque dans les Landes, en pleine cambrousse. Voilà pour le lieu, loin des tentations. La méthode ? Se faire prescrire des somnifères et des anxiolytiques par un médecin et rester enfermé à double tour dans la maison. Les deux hommes, guidés par leur amie Fanny, débarquent dans une bâtisse complètement délabrée, mal isolée et infestée de rats. Fanny les laisse s'installer avec leurs provisions prévues pour une semaine, puis ferme la porte à clé et leur lance « Au revoir les garçons, attention, pas de bêtises surtout !» Après une nuit dans le froid glacial à chercher en vain le sommeil, Gilles et Didier sont en proie au manque et aux nausées. Ils décident alors de s'enfuir de la maison par l'une des fenêtres de l'étage. Une fois dehors, ils volent une voiture et filent à Bordeaux. Ils se rendent directement chez un couple d'amis. C'est là qu'ils ont laissé leur cam. Problème, il n'y a personne. Cela ne les arrête pas, ils veulent absolument un shoot. Alors, Didier grimpe sur le balcon, casse une vitre et récupère l'héroïne. La cure de désintox n'aura duré que quelques heures. Durant toute cette période, Gilles continue son parcours avec Camera Silence. Il participe même à une émission d'Antenne 2 intitulée « Les enfants du rock », première et seule fenêtre ouverte à la télé française sur la culture outre-Manche. Voulant vraiment décrocher de l'héroïne, et cette fois pour de bon, Gilles décide de prendre ses distances avec Didier. C'est une excellente intuition. En effet, quelques mois après, la police démantèle un réseau de dealers et de consommateurs d'héroïne à Bordeaux. Plusieurs centaines de grammes sont saisis. Coup de filet, Didier tombe dedans. Du côté de Camera Silence, le batteur du groupe, le Schnee, disparaît. Oui, volatilisé. Gilles se retrouve alors dans une situation délicate. Toujours accro, tout le temps fauché, et désormais isolé, il broie du noir. Et la lumière fut. Il fait la connaissance de Nathalie alors qu'il attend un dealer à Bordeaux. Elle est blonde, Nathalie, elle est jeune, elle est jolie, et surtout, elle est aussi paumée que Gilles. Les deux vont faire équipe, le temps d'un été, se lançant dans une série de cambriolages pour acheter de l'héro, Bonnie and Clyde, version Place Péderlin. Au bout de 3 mois, ils sont pris en flagrant délit. Gilles dédouane Nathalie qui ressort libre de sa garde à vue. Mais pour lui, c'est direction la prison de Gradignan. Plus de ciel pendant 3 mois. Et il y retrouve son ami Didier et le beau-frère de celui-ci, Iñaki, un basque espagnol. Les trois hommes prennent une décision radicale. Gilles l'explique dans le documentaire Une histoire particulière diffusée sur France Culture. Tous les trois, on prenait de l'héroïne avant de rentrer en prison et tous les trois, on décide en même temps de ne plus en prendre. C'est une décision, une espèce de pacte qu'on passe tous les trois. C'est pas une vive pour nous, on arrête, c'est terminé. Mais en sortant de prison, le besoin d'adrénaline fait que, on remplace une addiction par une autre et on tombe dans la délinquance. Petite délinquance, moyenne délinquance et ensuite on passe directement au braquage. T'as qu'à parler. À peine sorti de prison, Gilles retrouve sa place au sein de Camera Silence. Il est hurleur en chef, autrement dit chanteur. Deux autres membres rejoignent le groupe pour pallier le départ du Schnee, l'ancien batteur. Mais en même temps, Gilles poursuit sa route sur le chemin de la délinquance. Mais pour l'instant, rien de très violent. Par exemple, il se laisse enfermer dans un magasin Conforama. Une fois les employés partis, il fait main basse sur des dizaines de magnétoscopes et les livres à Didier. Et il n'y a qui. Bon, ce n'est pas le coup du siècle, mais ça permet de vivoter. À l'automne 84, Camera Silence se poursuit et se produit sur la scène du festival K.O. en France, à Orléans. Dans la foule, on remarque de nombreux skinheads d'extrême droite venus de régions parisiennes. Bras tendus, beuglant Sieg Heil, les nostalgiques du Troisième Reich s'en donnent à cœur joie. Gilles est dégoûté. Il confiera bien plus tard au journal Le Monde. Si j'avais fait tout ça, c'était aussi pour plaire aux filles, pas pour jouer devant 2000 crânes rasés qui se foutent sur la gueule. Plaire aux filles, c'est bien ce que lui reproche légitimement sa copine, Nathalie. Gilles est volage. Mais le 3 février 86, un événement va bouleverser sa vie. Nathalie donne naissance à un petit Loris. Au même moment, Gilles continue les coups foireux avec Didier et Iñaki. Ils braquent une bijouterie et les trois sont désormais traqués par les polices judiciaires de Nantes et de Bordeaux, rien que ça. Après un dernier concert avec Camera Silence, Gilles commence alors une longue période de cavale qui le mène dans une ferme squattée près de Toulouse, en compagnie de punks, de junkies et de proches de l'ETA. Après quelques mois au Grand Air, il retrouve Didier Iñaki à Toulouse pour un nouveau coup. Cette fois, il s'agit de prendre assez d'argent pour être peinard un long moment. Leur projet, s'attaquer à un dépôt d'Abrinks. On ne pourra pas leur reprocher de manquer d'ambition. Gilles explique les préparatifs au micro de France Culture. J'ai demandé un an de préparation, au moins. Bon, au début, c'était un projet un peu fou. Hein. Bon, bah, nous, à l'époque, on avait peur de rien. Hein. Rien ne nous arrêtait. Hein. Mais quand même, même pour nous, le projet paraissait un peu fou. Non, bon, on s'y colle, on s'y met, on repère donc les lieux, on sait où se trouve le centre fort de la Brinks, on le repère. Ce n'était pas difficile, il était sur le bottin. Donc on repère les lieux, on commence à suivre les employés. Un peu le même travail que fait la police quand elle recherche des gangsters. On suit les employés, on fouille dans les poubelles, on cherche des adresses. Qui fait quoi, comment, à quelle heure part-elle le fourgon, on suit les fourgons, voilà. Et au bout d'un moment, avec tous ces éléments, on recolle les morceaux du puzzle, quoi, et on décide d'une action. Action, 26 avril 88. Une véritable opération commando est lancée par une improbable équipe de braqueurs composée de punks, d'anarchistes et de toxicomanes. Bonsoir. Hold-up avec prise d'otage la nuit dernière à Toulouse, montant du butin 15 millions de francs. Une nouvelle fois, c'est la société de transport de fonds Brinks qui a été prise pour cible. Un gang particulièrement bien organisé qui a procédé tranquillement, tout d'abord au domicile d'un cadre de la société et ensuite au dépôt de la Brinks. Ce braquage réussi sans un coup de feu fait la une de la presse locale. La dépêche du Midi titre « Casse du siècle à la Brinks ». L'histoire est rocambolesque. La dizaine de malfaiteurs s'est déguisée en gendarmes avec des uniformes chidés aux puces de Saint-Ouen par Gilles, oui, lors d'un séjour à Paris. Côté réparation, rien à dire. Gilles et ses complices étaient procurés de fausses Renault 4L de gendarmes pour effectuer un contrôle routier sur un employé de la Brinks. Le coup est si bien réussi que la presse et la police pensent d'abord à des truands aguerris, des pros quoi. Plus tard, la légende dira que ce coup était l'œuvre de malades du sida qui n'avaient plus rien à perdre. Tout est faux de ce point de vue évidemment. Même si Gilles et ses acolytes avaient déjà réalisé quelques braquages, ils n'appartiennent pas au milieu. Quant au sida, il est vrai que l'épidémie touche à cette époque de nombreuses personnes dans l'entourage de Gilles, les toxicos en particulier. D'ailleurs, les membres du commando seront frappés quelques années plus tard par le fléau. Mais à l'époque, ils sont en pleine forme, raffermis par de longues séances de musculation et de plates basques. Ainsi, avec la santé et 12 millions de francs dans les poches, il ne reste plus qu'à bâtir des projets. Sauf que Gilles n'en a aucun. Il le confie au micro de France Culture. Aucun projet, faire la fête. Bon d'ailleurs, ça a duré quelques mois... Aller sur la Costa Brava, les discothèques, de la drogue, d'autres sortes de drogues. À l'époque, c'était l'ecstasy, la mescaline à Valence, avec des drogues festives. Et donc, l'Espagne, c'était l'Espagne de la transition. Donc, l'Espagne, à cette époque, tout était permis, tout était les drogues pratiquement en vente libre. Donc, une espèce de paradis. Hein, pour des fêtards. La Movida, 2 mois à faire la fête en Espagne, dans une villa de la Costa Brava, en compagnie de tous ses amis punk, méga teuf, oui, mais Gilles rêve aussi d'une vie de famille. Il fait donc venir à Barcelone sa compagne Nathalie et son fils Loris, âgé de 2 ans. Le point de rendez-vous est fixé place Catalogne. Mais quelque chose cloche. Gilles repère des policiers. Nathalie et Loris sont suivis. Impossible d'aller à leur rencontre. Gilles ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il voit Nathalie. La mère de son enfant trouvera la mort lors de sa longue cavale. Pour échapper à la police, Gilles est contraint de minimiser les contacts avec ses proches. Mais les enquêteurs remontent rapidement la piste des braqueurs. En septembre 88, une vague d'arrestations a lieu. Sur Franc 3 de Toulouse, portrait, ou plutôt profil des malfaiteurs. Le cerveau, tout d'abord, un Espagnol de 31 ans, José Gomez Martin, ancien militant d'une faction de l'ETA. Il a basculé dans le grand banditisme, puis la drogue. Apparemment, il travaillait pour son propre compte et non pour financer les caisses du terrorisme basque. Autour de lui, une nébuleuse de 6 à 7 personnes rencontrées en prison ou à Toulouse. C'est ici, au 49 de la rue Raymond IV, que la bande a préparé le coup, un gang qui avait pour principale préoccupation la drogue dure, comme la cocaïne et l'héroïne. Ce petit cercle avait choisi Toulouse par goût, mais aussi pour sa proximité avec l'Espagne, où un complice court toujours. Il s'agit de Gilles Bertin, contre qui un mandat d'arrêt international vient d'être lancé. Alors, Gilles se lance dans une deuxième cavale, beaucoup plus discrète. Il le sait, il est recherché par toutes les polices. Avec Philippe, ami de longue date, il se réfugie dans un appartement à Salamanque. Cécilia, une jeune étudiante en journalisme qui gravite dans leur sphère, vient leur rendre visite régulièrement. Une amie d'une aide précieuse. Lorsque les deux hommes décident de s'installer à Barcelone, c'est Cécilia, par exemple, qui démarche les agences immobilières pour leur trouver un appartement. Mais ce nouveau départ ne change rien pour Philippe, toujours aussi accro à la drogue. Gilles et Cécilia, qui se sont mis en couple, observent impuissants la descente aux enfers de leur ami. Il est arrêté quelques mois plus tard par la police espagnole alors qu'il tentait de braquer un dealer. Le couple apprend la nouvelle alors qu'il part en vacances aux Baléares sur l'île de Formentera. Pour Gilles, c'est un coup dur, son dernier ami vient de tomber. De retour à Barcelone, le couple prend une décision radicale. Cécilia arrête ses études et ils partent à Lisbonne ouvrir une boutique de disques. Du casse de la Brinks, Gilles avait touché une part d'environ 2 millions de francs. Plusieurs mois plus tard, il n'en reste plus que 150 000. Le reste s'est volatilisé en loyer, fêtes, drogue et voyage. C'est donc au Portugal que Gilles commence une nouvelle vie. Car ici, personne ne connaît son passé. Pourtant, un jour, un client semble le reconnaître et l'interpelle. « Dis donc toi, t'es le chanteur de Caméra Silence ?»« Comment ça ? Pas du tout. C'est qui ? Caméra quoi ? Mais si, gloire, pour la gloire, la chanson, c'est toi ? Qu'est-ce que tu me chantes là, amigo ? C'est pas moi du tout, je m'appelle Jim, je suis écossais. » Voilà. Hormis quelques frayeurs, comme celle-ci, Gilles parvient tout de même à préserver son anonymat. Mais c'est un autre danger qui le guette. Alors qu'il a vu de nombreux proches mourir du sida à la fin des années 80, Gilles n'a jamais voulu faire le test de dépistage. Son passé d'héroïnomane et les risques de contagion, c'est si loin. Oui, mais s'il était séropositif, la maladie est sournoise, asymptomatique souvent. Et si le test est positif, c'est la terre qui se dérobe sous les pieds, c'est la vie qui bascule vers la mort, comme les copains, l'horreur, la peur du verdict de l'éprouvette, le couvercle qu'on ne veut pas soulever. Alors non, non, pas de test. Or, Gilles est bien porteur du virus, et la maladie se manifeste plus de 10 ans après l'arrêt de la drogue. Il l'explique au micro de France Culture. Je commençais à me sentir mal, je pensais à une mauvaise grippe. Bon voilà, c'était pas la première fois que j'avais de la fièvre, hein. Puis bon, au bout d'un mois, évidemment, on commence à se poser des questions, et les jours passent, et bon, voilà, avec le passé que j'avais, bon, je me rendais bien compte que, voilà, ça devait être le sida, quoi, hein, faut pas aller clairement, quoi. J'étais encore recherché par la police, hein, je ne savais pas quoi faire, donc je n'ai pas été à l'hôpital, et ça a duré 6 mois. En fait, j'étais atteint d'une pneumocystose, hein, c'est une maladie opportuniste, très commune chez les gens immunodéprimés, je sais pas comment on dit en français, hein, bon, moi. Et j'ai attendu 6 mois avant de me rendre à l'hôpital, et lorsqu'on m'a pris à l'hôpital, ben j'étais pratiquement mourant, j'avais perdu 30 kilos, je pouvais à peine respirer, voilà. J'ai juste eu à fournir un nom et on m'a soigné, donné des médicaments et j'ai été vraiment très bien traité, quoi, je veux dire. Ça paraissait incroyable d'ailleurs, mais bon, voilà. Commence alors pour Gilles un nouveau combat. Mais Cécilia, qui a été épargnée, elle, par le virus, est là pour l'accompagner et le soutenir. Après 10 ans au Portugal, le couple repart à Barcelone. Tous les deux travaillent dans le bar des parents de Cécilia, dans un quartier populaire de la ville. Et c'est ici que va naître un nouveau projet, un enfant. Après 3 longues années de démarche et 4 tentatives de fécondation in vitro, le petit Thiago naît le 19 août 2011. Alors que son enfant grandit, Gilles ne veut pas lui mentir. Il veut solder les comptes avec son passé. Et puis, il n'a plus aucune colère en lui. Non, il veut juste vivre en paix. D'ailleurs, Il regrette les actes criminels qu'il a commis. Je regrette. Je regrette les violences, surtout. Une attaque à main armée, c'est extrêmement violent. Même s'il n'y a pas de coup de feu, même s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de blessés, pas de fusillade, etc., c'est de toute façon violent. Vous arrivez chez les gens, vous leur foutez un flingue sur la tempe, voilà, c'est terrible. J'aimerais pas qu'on me le fasse maintenant, ni à personne de ma famille. Il fallait quand même faire le boulot, quoi. En évitant la catastrophe. Voilà, c'est tout ce qui comptait, quoi. La suite, c'est la traversée des Pyrénées, la garde à vue, l'attente du procès. Mesdames et messieurs, la cour. 6 juin 2018. Lorsqu'il se présente devant la cour d'assises de Haute-Garonne, ni la Brims, ni les parties civiles, ni les victimes ne sont présentes. Peut-être veulent-elles signifier que cette affaire vieille de 30 ans est oubliée, voire pardonnée. Ne reste face à Gilles que des juges et un jury d'assises à qui il explique sa vie, sa nouvelle vie de père d'un jeune enfant, mais aussi d'un grand-fils de 32 ans, Loris, qu'il a enfin retrouvé après 28 ans de cavale. Un homme qui veut recoller les morceaux, se soigner et prendre soin des siens. Face à cet homme qui a été tour à tour chanteur punk, héroïnomane, braqueur et fugitif, les jurés perçoivent un type courageux. Courageux face à la maladie et à la justice. À l'image de la confiance qu'il a accordée au médecin, il remet son futur entre les mains des juges, lui qui aurait pu attendre la prescription de sa peine. Au bout du compte, soldé cette fois, Gilbertin est condamné à 5 ans de prison avec sursis. Le verdict rendu, soulagé, il ressort libre et cesse à ce moment précis d'être le clandestin de sa propre vie. Aujourd'hui, l'histoire de Gilbertin, avec Gilbertin lui-même, comme invité en duplex de Toulouse. Bonjour. Bonjour Fabrice. Alors bonjour Gilberta, la vérité des faits est l'une de nos balises hein, dans cette émission, bien sûr, et là c'est encore plus évident, puisque nous avons bâti ce récit à partir de votre livre, puisque vous avez raconté votre histoire dans un ouvrage intitulé 30 ans de cavale, ma vie de punk. Aujourd'hui vous vivez à Barcelone, bah, que faites-vous désormais après cette vie si mouvementée, comment se déroule votre vie aujourd'hui ? En fait, je continue de travailler. Ces 30 dernières années, je n'ai pas arrêté de travailler, en fait. Hein. D'abord à la boutique de disques, et ensuite dans le bar familial, celui de ma compagne. Hein, on gère ce bar depuis 20 ans maintenant à Barcelone. Bon, et la santé ? Comment va la santé ? Ça va. Je me suis jamais senti aussi en forme, en fait, hein, depuis ces dernières années. Et je ne peux pas me plaindre, écoutez. Bien. Alors, c'est assez rare dans notre émission d'avoir un témoin direct. On va en profiter pour creuser certains éléments de votre vie, parce qu'on vous a entendu déjà dans le récit, en archive. Hein. Commençons par le commencement. Vous êtes né en 1961. Vous avez grandi en région parisienne avant de déménager à l'âge de 11 ans à Bordeaux. Et puis, un peu plus tard, le premier déclic, c'est quand vous quittez le domicile familial, vous commencez à travailler et vous rejoignez une nouvelle famille, une bande de jeunes punks. Racontez-nous quelle était la dimension de cette culture-là, à l'époque, chez les jeunes. Qu'est-ce que ça représentait, la punk attitude ? C'était d'abord l'époque du do it yourself. Hein. Tout le monde pouvait devenir musicien. C'était une époque extrêmement créative, parce que bon, tout le monde devenait musicien ou artiste de quelque façon. Mmh. Bon, tout était à faire. Il n'existait aucune structure. C'était beaucoup plus difficile de s'en sortir. Mais bon, c'était excitant. Oui. Et surtout, on se retrouvait, nous, une nouvelle famille, puisqu'on était tous plus ou moins en rupture avec nos propres familles. Mmh. Je vais faire une confidence, je me souviens parfaitement de tous ces groupes en 1982 à Bordeaux, et on en trouvait partout, hein, partout, il y avait des lieux improvisés, enfin, il y avait cette émulsion-là. Vous n'avez pas fait d'études secondaires, mais vous aimiez bien la littérature, aujourd'hui encore, j'imagine, et vous avez d'ailleurs beaucoup volé de livres. Dans une librairie, vous appeliez ça dans votre ouvrage des opérations d'appropriation de biens culturels. Ça fait un peu logoré, révolutionnaire, cela. Je dis ça parce que vous étiez proche aussi. Oui, allez-y. Oui. C'est une petite plaisanterie, hein, parce qu'évidemment, nous n'avions rien de. Notre culture politique était justement on avait tout à apprendre, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Mais bon, oui, c'est un petit clin d'œil, quoi. Hein, lorsque je parle de réappropriation de biens culturels, évidemment, nous, on volait pour pour en fait, moi, je suis sorti d'un collège technique, et en fait, je n'avais aucun bagage culturel. Hein, j'étais vraiment bon, je n'étais pas analphabète, mais bon, j'avais tout à apprendre. Hein. Le punk est une culture, hein, la musique punk est une culture. Vous étiez plutôt, et aujourd'hui encore, tiens, c'est une petite question, on va prendre le chemin des écoliers et sortir un peu de votre vie. Vous êtes plutôt Sex Pistols ou Clash, vous? Moi, c'était les Sex Pistols, hein, sans aucun doute. Ça m'étonne pas. Bon, en 82, vous vous retrouvez en finale du tremplin Rockton à Bordeaux, en face d'un autre jeune groupe, Noir Désir. Racontez-nous ce moment et cette rencontre avec Noir Désir. Parce que c'est aussi un pan de notre culture, nous tous. Oui, ben, ils sont devenus énormes à ce moment-là. Personne ne s'imaginait qu'ils allaient devenir ce qu'ils sont devenus. Hein. Moi, j'avais peu de contact avec Bertrand Cantat, le chanteur. On connaissait surtout le batteur Nini et Serge Tessoguei, le guitariste, avec lesquels il nous arrivait de converser dans les bars de Bordeaux. Ah, ils étaient sympas, ils commençaient comme nous, sans aucune prétention aucune. Hein, ils avaient tout à apprendre, eux aussi. Bon, eux, ils ont réussi, et j'en suis content pour eux, en fait. Bon, en tout cas, il y avait de l'ambiance au carrefour de la rue Port-Dijon et de la rue Sainte-Catherine. On va écouter maintenant une archive qui va vous rappeler des souvenirs beaucoup plus douloureux. C'est un reportage de France 3, diffusé en 1988 à propos de la consommation d'héroïne. La consommation d'héroïne est de plus en plus synonyme de sida. Ces derniers temps, dans la région, la moitié des héroïnomanes interpellés étaient séropositifs, et cette proportion croît régulièrement. L'héro, c'est l'esclavage, la dépendance par la douleur, C'est d'ailleurs l'intérêt des trafiquants que d'avoir des clients accrochés, et ils ont des moyens pour l'atteindre. Au bout de 15 jours, il va s'installer une dépendance physique, c'est-à-dire que l'individu va faire ses piqûres, non plus pour obtenir une jouissance, mais pour supprimer la souffrance du manque qu'il va avoir au bout de cette quinzaine de jours. Les trafiquants ont trouvé que 15 jours c'était un peu trop long pour accrocher un individu. Ils ont parfois ajouté de la strychnine, qui fait souffrir l'individu assez rapidement, et en quelques jours, en une semaine, l'individu devient dépendant de son produit parce qu'il se croit déjà en état de manque. Gilbertin, ça fait écho à ce que vous avez vécu, vous, ce que vous venez d'entendre? Oui, bon, évidemment, l'héroïne, c'est la pire des drogues. Bon, toutes les drogues sont mais bon, c'est vraiment l'enfer. Je reste dubitatif quant à ce que les trafiquants aient mis de la strychnine pour accrocher leur le produit en soi était extrêmement addictif, ils n'avaient nul besoin de rajouter de la strychnine. Mais bon, oui, voilà. Et puis à cette époque, cette drogue circulait partout. Et c'est malheureusement celle qu'on a prise. C'est la voilà. Et c'est et évidemment en plus. En plus, moi, elle est venue par la suite accompagnée du sida, quoi. Parce que ça, on ne le savait pas au début, si on avait su tout ça. Bien sûr. Je suppose qu'on n'aurait pas été aussi loin, Mais bon, voilà, toute une génération s'est laissée emporter. Alors, parallèlement, Gilbertin, ce qui est frappant dans le récit de votre vie, c'est qu'il y a cette vie borderline, parfois délinquante, la Brinks, et en même temps, vous menez avec votre compagne Nathalie une vie de famille. Alors, c'est difficile, c'est chaotique, mais il y a la naissance de votre premier enfant. Comment vous gérez tout ça? Ouais, une vie de famille, non, en fait. Entre gros guillemets, évidemment. Oui, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout préparé à une vie de famille. Je n'étais pas prêt. Tout ça va très très vite. Je me retrouve papa et en même temps, je me retrouve rapidement en cavale, quoi. Tout se passe très vite. Je n'ai pas eu le temps de mener une vie de famille à ce moment-là, non. Et le cas de la Brinks, je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de questions. Le cas de la Brinks quand même, vous avez vu des films, vous avez lu des livres, vous saviez les risques énormes qu'il y avait à vous retrouver entre quatre murs, ce qui est quand même une punition terrible, quoi. Comment on se lance là-dedans quand on connaît le risque? Vous savez, à cette époque-là, oui, on avait peur de rien. Je le dis dans le document de nous. On préférait vivre vite. Et on ne pensait pas à la prison. À vrai dire, on ne pensait pas à la prison. On ne pensait pas survivre. Sincèrement, on ne pense pas à tout ça quand on prépare une chose de cette ampleur. Ouais, on ne pense qu'à une chose, le faire correctement et essayer de ne blesser personne. C'était quand même pas mal de boulot. On est plus dans la petite délinquance, je veux dire là. Oui, bien sûr. On ne pense plus. Bon, alors. On ne pense plus du tout, en termes de temps de prison. Alors, flic, prison, et puis, pour certains, comme vous, cavale. C'est quoi une vie de cavale? Je l'imagine, moi, totalement stressante, sans un moment de sérénité, pas un seul moment. C'est ça, la cavale? Oui, surtout au début. Après, sur la fin, à la fin, il m'arrivait de plus me souvenir de cette première vie. Mais au début, oui, évidemment, on voyait des flics partout. C'était stressant pour moi et aussi pour ma compagne. Néanmoins, je monte cette moudique de disque et j'arrive à me réinsérer quand même, à travailler, à me lever le matin. Oui, Lisbonne, c'est paradoxal. Oui. Alors, il y avait des moments de stress, de parano et des moments où je menais une vie totalement normale. C'est avec le recul, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ça a duré 30 ans. Bon, évidemment, on n'est pas toujours sur le qui-vive. Et vous vivez une vie normale que côté sentiments également, parce que vous rencontrez Cécilia, elle change votre vie. Ça a été plus, ça a été. C'est le moment clé. C'est ce qui me remet sur les rails et qui permet ma reconstruction en fait. C'est grâce à elle que je me suis reconstruit et que je me suis réconcilié avec cette société que bon, je avec laquelle j'avais le plus grand mal étant jeune. En fait, pourquoi le Portugal? Est-ce qu'à ce moment-là, ah oui, parce que on voulait ouvrir une boutique de disques de rock, mais indépendant, hein, quand même, une petite boutique spécialisée. Et au Portugal, à cette époque, il n'y avait pas grand-chose à ce niveau-là. On avait effectué un premier voyage au Portugal. Il y avait bien évidemment des boutiques de disques, mais rien dans le rock alternatif et le rock indépendant, il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà, on s'est dit parce que et comme Barcelone à ce moment-là était saturée de boutiques de disques, et on s'est décidé pour le Portugal. Autre élément dans votre vie, élément de pression terrible, le VIH. Donc il y a ce moment où faut bien faire le test. Comment vous vivez ce moment-là? Moi, bon, d'abord, je tombe malade. Hein, ça dure 6 mois. Et je nie encore. Hein, je me souviens. J'essayais. Je pensais d'abord à une grippe. En plus, je m'inventais des maladies, mais je refusais de voir le sida. Quoi, je n'arrivais pas à m'en convaincre. Bien alors sûr. Que c'était évident. Alors que ça paraissait évident. Et au bout de 6 mois. Un ami médecin me conseille quand même d'aller aux urgences. Bon, j'avais perdu 30 kilos, évidemment, j'étais dans un état déplorable. Et là, évidemment, ils me font le test à l'hôpital. Mais bon, là, à ce moment-là, je savais bien que je. Que voilà, mais avant. Même si je me refusais à l'admettre. Mais et avant, le test, c'est une étape que vous n'osiez pas franchir, soulever le couvert pour voir ce qu'il y avait en dessous, c'était ça? Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Hein. On fait semblant. On s'en protège, on croit s'en protéger. Mais on n'y pense plus. Et puis, il est vrai qu'au bout de 10 années sans prendre d'héroïne, sans utiliser de seringue, je pensais quand même. Pouvoir y échapper. Bon, ça n'a pas été le cas. Le déclic pour revenir à une vie tout à fait normale, en France d'ailleurs, c'est la naissance du petit Thiago. C'est ça le déclic? Tout à fait. Bien. Et dernière chose, parce que je vais très vite, hein, pardon, mais il nous reste 45 secondes, le procès. Comment l'avez-vous vécu, ce procès? J'étais... J'étais convaincu qu'on allait m'envoyer en prison quand même pour quelques années. Pas pour 10 années, mais je pense que la société allait m'envoyer pour au moins 1 ou 2 années en prison pour marquer le coup, quoi. Parce que bon, les faits étaient graves quand même. Hein. Bien sûr. Même si on me disait oui, 30 ans après, tout le monde a oublié. Ben non, les faits étaient quand même ça valait à l'époque, ça leur aurait valu 15 années de prison. Ouais. Et au bout du compte, 5 ans avec sursis, donc vous ressortez libre. Et voilà. Ah ben ça c'est une libération, évidemment. Comme quoi la justice a su voir l'homme que j'étais devenu, je le répète tout le temps, et pas l'homme que j'étais. Un type courageux, comme on a dit. Merci infiniment, Gilles Bertin, d'avoir témoigné. Ce sera un homme courageux, le mot de la fin. Au revoir. Au revoir Fabrice, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Gilles Bertin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission et si le cœur vous en dit, vos commentaires à la technique aujourd'hui. Et je l'en remercie, il y avait Ludovic Asselot.